Master, mute, métronome, d'accord. Plume à zéro. Voilà, Plume jamais à à zéro. zéro. Donc on n'entend plus le fameux toc. Donc on n'entend Oui, plus le oui, fameux toc, hein? toc, toc. Oui. Ah si. Ah si. Et j'entends encore. Si, j'entends Plume à encore. zéro, C'est la même oui, zéro, métronome le à métronome? zéro, ouais. Alors pourquoi on n'entend encore, par exemple? Par moment, t'as un effet de... Palarcelle, quoi. Zzzz, pas l'arcelle, quoi. Effets spéciaux. Ah ouais, ça c'est le Effet volume. spécial. D'accord. Ouais, ça c'est le volume, mais attends. Moi, je pense Ouais, qu'on n'est attends. pas sur Moi, le la. problème, c'est qu'on n'est pas sur À mon un... avis, sur Alors, à mon avis, on est il y a un sur problème. un... Il y a un problème. T'entends pas? Oui. T'entends pas? Moi, j'entends parler, là. Vas-y, parle. Écoute, écoute. Oui. T'entends? Attends, je baissais un peu Attends, je vais baisser un peu le le... niveau de. Alors, le niveau Ah, de... ça coupe, ouais, Ah, d'accord. ça coupe, ouais, Attends, je attends. vais baisser un petit peu Attends, je vais le baisser un niveau. peu le dB, nombre de dB, là, pour voir. Putain, mais. Oh, putain, à l'oreille. Oui, il y a un écho terrible, hein. Qu'est-ce que t'entends, toi? Alors, Qu'est-ce que tu hein? entends? Qu'est-ce que bah, je t'entends parler, puis après il y a un Bah, je écho t'entends parler, puis après il différé y a un qui est entre. écho différé, Ah ouais. mais Mais t'es en monstrueux. haut-parleur? Mais t'es Ouais. en haut-parleur? Ouais. T'es en haut-parleur. Ah oui, tu ternes, c'est ça? Ah oui, tu as des haut-parleurs externes, c'est ça? Et si tu Bah, les oui, sur mon enlèves, parce PC, que quoi. moi j'ai pas d'écho, et je Et suis si avec les tu les haut-parleurs du enlèves, PC. parce que moi j'ai pas d'écho, Je et suis je sur suis parler. avec les haut-parleurs Bah, du je suis PC. sur parler. Bah, je suis sur parler PC. Ah, D'accord, t'as pas une prise jack avec des haut-parleurs t'as pas extérieurs? une prise jack avec D'accord. des haut-parleurs Attends, extérieurs. Ah, Non. pas le voir, hein? Ah, attends, Je t'allume Ah, pas le voir, là? Qu'est-ce Là, que c'est tu veux que je te allumé. dise? Oh, c'est bien, là. Qu'est-ce En que tu fait, veux j'ai que je te baissé dise? le niveau Bon, c'est master. bien, là. En fait, j'ai baissé le Le niveau niveau master master. sur Ninjam? Oui, moi Le niveau aussi. master, Moi là, sur aussi, ouais. Ninjam, ouais. Ouais, non, ouais, Ouais, c'est ça. aussi. Oui, j'ai Un le Ninjam, niveau, en ouais. fait, tu as la ligne master baisse Tu as un là un niveau, peu en pour fait, tu ramener as la le ligne dB. master Donc, en baisse fait, là un tu fais peu des pour la masters ramener vers à des. des. Parce qu'en Attends, fait, faut t'as des sortir un VD peu passés le en dB. dB. Là, Là, attends, elle je est vais à sortir un peu la ligne 70, master. là. Et puis j'ai un Voilà, je suis PC. à moins 20 dB. Voilà, Et là, moi, j'ai je plus suis à d'effet moins Larsen. 20 dB. D'accord. Et du coup, j'ai plus l'effet Larsen. Mais c'est plutôt pas mal, hein? Mais c'est plutôt Ouais. pas mal, hein. Bon, bah maintenant, c'est ce qu'on va faire, hein? Non. Bon, bah maintenant, c'est ce qu'on On va va prendre faire, une hein. guitare. Oh, bah, si tu veux. On va prendre une Bah guitare. si. Oui? Attends, je vais essayer de monter un peu le son parce Ah, que je suis un si. peu faible. Ah, Attends, je je mets vais le essayer de casque monter un parce peu que le j'ai son entendu parce que je suis un peu la. faible. Ah, Bah je vais si, mettre le tu casques, casque. tu Mais peux non, l'enlever. bah, si. Oui, je vais mettre le Ah, casque. t'essayes? Ouais, bien sûr. Ouais. Hein, j'essaye? Ouais. Ouais, c'est parti. Allez. Allez. Ah. Ah. Non, c'est bon. Alors, quels sont pourris! Quels sont pourris! Toi? On essayait Ben de moi, s'accorder vas-y, plutôt. vas-y, joue, vas-y, va. Vas-y, vois. Non, vas-y, joue, va. Joue, va.